caffè, ma la fè mal. Sa caprié, oui, est boulot tout. Sa caffè, bien, a fè bien. C'est pas tous les jours, loin de ça. Ça a prié, prié pour nous tous. Ça a fait bien, a fait bien. C'est pas tous les jours que ça. Thank you. prier, prier pour nous tous. Chaque a fait bien, a fait bien. C'est pas tous les jours une bonne chance.